cloche a sonné. Tout le monde à la ligne. Chic chaud, que la terre sache. Makali si moyete motema seko bouger mama kosa kaka na mona.